Noirs, les Blancs, les Juifs, puisque quand on va un peu plus loin dans ses rêves, il voulait que tout le monde soit égaux. C'était la justice que Martin Luther King voulait amener dans le peuple américain. C'était sa vision aussi de l'humanité, c'est qu'on soit égal. C'était sa notion de justice. C'est ça aussi que j'aimerais ça adresser ce matin. Glenn, il est venu me voir il y a 2, 3 semaines. Au vernissage, puis on avait un vernissage pour les sans-abri, pour des. J'en parlais un peu plus tard, là, il y avait leur toile, puis tout, puis Glenn est venu, puis il dit: Hey, le 6 novembre, ça te tente-tu de faire un partage à Roi des Rois? Je dis: Ah, ouais, ça pourrait être cool, ouais, 20 minutes, ouais, 20 minutes. Puis là, je dis oui, puis tout ça, puis je suis content, puis ça fait longtemps que je suis pas venu, puis j'avais hâte de vous voir, puis le lendemain, je check mon horaire, puis je dis: Oh non, on fait un spectacle la veille. Oh non, je vais être poqué. Là, je vais voir Glenn le lendemain, j'ai dit: C'est possible de reporter ça? OK. Fait que j'étais un peu poqué un matin. On a fait un spectacle hier avec Walter de Souza. Un show pour l'Afrique. On ramasse des fonds pour que des jeunes puissent aller en Afrique. Me suis couché tard. Hein. Pour que des jeunes puissent aller à l'école. En Afrique. Pas des Québécois qui vont en Afrique à l'école. Des jeunes Africains. Qui puissent aller à l'école, ils leur achètent du matériel scolaire, des vêtements pour qu'eux autres puissent aller à l'école. Donc, le concert qu'on a fait hier, on a ramassé pas loin de 10 000 $ et ça permet à 250 jeunes en Afrique, au Bénin, d'aller à l'école. Fait que, Walter chantait ses chansons, puis on chantait du Beatles aussi. Fait qu'il y a à peu près 12 heures, j'étais en train de chanter Twist and Shout. Pour le Seigneur. Puis, ouais, puis après ça, on a été. Tu sais, quand tu fais un spectacle, tu es toujours un peu sur le high, là. Tu sais, tu es sur l'adrénaline. Puis là, tu viens de prendre une bière chez nous. Fait qu'on est allé. On était à peu près une vingtaine de personnes qui. On parlait, puis tout ça. Puis on était tout autour d'une grande table. Il y avait des nachos, il y avait. Plein de stock. Ben, du bon stock, là. C'est juste 11h10. Puis là, je commence à. Quelqu'un me dit: Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Fait que, ben, j'ai dit: Je suis peintre, je fais de la musique et j'aide les sans-abri avec l'art-thérapie. Puis là, tout le monde parlait, puis à un moment donné, ça a arrêté de parler. Là, ils sont tous tournés. Puis là, je me suis senti sur le spot un peu comme là. Puis, fallait que je décrive qu'est-ce que je fais, mais j'avais 20 personnes qui ont simplement arrêté de parler. Puis là, ça sortait de l'ordinaire, là, de quelqu'un qui parle, qui fait de l'art avec des sans-abri. Puis je racontais un peu ce que je faisais. Puis ça a touché les gens, là. Il y avait le concert, puis tout ça. Puis c'était vraiment le fun. Puis c'est des gens, là, dans une maison à Blainville. La maison, je pense, la cuisine et la grandeur d'ici, ça n'avait pas de bon sens. Écoute. Ça n'avait pas de bon sens. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. La justice. J'ai regardé le mot justice dans le dictionnaire. Parce que le texte ce matin, c'est Matthieu 5, 6. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Mais je vais vous le lire. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice. Car ils seront rassasiés. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'injustice dans le monde? Non. Non, hein? Quel genre d'injustice que vous pouvez voir dans le monde? Moi, je peux vous donner plein d'exemples. Ouais. Les riches et les pauvres. Ben, on peut le voir avec Occupons Montréal, hein? Les gens qui sont à côté de la Tour de la Bourse, là, au Square Victoria. Puis j'ai beaucoup de mes amis qui sont là. Puis moi, j'endosse cette cause-là à 100 000 à l'heure. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, là, let's go, restez là. Je ne sais pas si à Québec, ils ont réussi à les faire partir, là. Pas encore. Il y a un écart qui s'agrandit entre les riches et les pauvres, puis il y a une injustice, là. Puis dans le temps, mettons quand Henry Ford, il faisait des autos, il faisait beaucoup d'argent, mais il donnait beaucoup d'emplois. Il faisait travailler le monde. Aujourd'hui, ils font beaucoup d'argent, puis ils le gardent pour eux. Puis les exemples se multiplient tout le temps. On peut penser à Madoff, on peut penser à toute la gang là, qui prennent l'argent puis font à croire qu'ils l'investissent, mais c'est à eux autres, là, puis ils s'en vont jouer au golf, ils s'achètent des jets, des yachts, puis tout ça. Puis il y a des gens qui se retrouvent à un certain point, là, ils ont investi des milliers, des centaines de milliers de dollars, ils n'ont plus rien du jour au lendemain. Ça, c'est une injustice, là. Moi, ça me met à l'envers. D'autres injustices. L'exploitation des enfants. De n'importe quelle manière. On parle de pédophilie, là, les gens qui exploitent la cyberpédophilie là, sur Internet, les photos, puis qui exploitent les enfants, puis que c'est des gens qui s'en sortent, puis ils font de l'argent avec ça, ça n'a pas de bon sens. Les abus de pouvoir de dirigeants d'entreprise ou de dirigeants de pays. Oui, les gouvernements, les dirigeants d'entreprise qui profitent de leurs travailleurs, des gens de la société. Ça, c'est révoltant. J'ai vu une mère en arrière. Envers les femmes dans le monde arabe. Oui. Ça, aussi. D'autres choses? Moi, je suis étudiante, là. Pour faire payer pour l'éducation, là, c'est un injustice. OK. Ouais. Puis c'est vrai. T'sais. J'ai dit, oui, pas, là, je me calme. Non, c'est correct. Non, c'est vous autres qui allez être assasiés. Ici, c'est incroyable comme on est privilégié au Québec, hein, à l'eau potable. Moi, j'essaie de sensibiliser mes enfants, pas juste à cause de mon compte d'électricité, mais à l'eau potable. Mais j'ai trois filles. Rendues à moi, il n'y a plus d'eau chaude. C'est hallucinant. Puis, c'est l'injustice. C'est pas juste. Tu vas être assagé bientôt. Mais en Afrique, juste pour vous donner une idée, en Afrique, il y en a qui vont marcher des kilomètres et des kilomètres pour avoir deux seaux d'eau potable. C'est ordinaire, ouais. Ben, qui peuvent boire, eux autres, parce qu'ils ont toutes les enzymes et tout pour... C'est rend malade pareil, regarde. Tu sais, plus renseigné que... tu sais, c'est hallucinant. Tu vas en Afrique, là, tu vas voir ce qui se passe par rapport à l'eau ici, puis toute ta conception sur l'eau potable change, là. C'est ici, c'est l'abus de l'eau potable et tout. D'autres choses? Moi, je peux penser aux... Tu sais, quand tu te promènes à Montréal puis que tu brises tes amortisseurs parce qu'il y a plein de trous dans les rues, là, tu payes tes amortisseurs, mais tu ne peux pas avoir de recours avec la ville pour... tu sais, ils s'en foutent eux autres, mais c'est toi qui payes. La classe moyenne, elle paye. Moi, je paye. Ça me frustre. Bon, bien, c'est fini à matin. Fait qu'on on se retrouve tous frustrés parce que c'est ça. La justice, comme je disais, c'est un principe philosophique, juridique, moral, fondamental, signifiant que les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées en fonction de leur mérite, au regard du droit, de la morale et autres sources prescriptives de comportement. À date, ça vous dit quelque chose? Ça peut donner une idée. Quoique la justice soit un principe de portée universelle, le juste apparaît pouvoir varier en fonction des facteurs culturels. Donc, tout le monde a un peu sa notion de justice. La justice est un idéal souvent jugé fondamental pour la vie sociale de la civilisation. Donc, la justice va se, dépendamment des sociétés, dépendamment des cultures, va varier. Mais il y a toujours quelque chose qui reste fondamental, c'est le principe d'équité. On veut que tout le monde ait cet équilibre-là d'équité sociale. Pour nous autres, les Occidentaux, la justice est avant tout une valeur morale. La justice morale serait un comportement alliant respect et équité à l'égard d'autrui. Cette attitude supposée innée, j'aime le fait qu'ils disent supposée, innée dans la conscience humaine, serait elle-même à l'origine d'un sens de la justice, valeur universelle qui rendrait l'être humain apte à évaluer et à juger les décisions et les actions pour lui-même et pour autrui. La justice en tant qu'institution est l'organe social constitué de la justice en tant que fonction qui doit rendre la justice, donc le ministère de la justice, doit rendre la justice et le droit. On s'établit en tant que société des structures qui sont là pour maintenir cette notion de justice. Que ce soit la police, que ce soit les juges et tout, on a certains organismes et toute structure pour qu'il y ait ça. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours la réalité. Même nous autres, les Québécois, les Canadiens, sur une patinoire, il y a une notion de justice, il y a un arbitre, il doit sanctionner le joueur fautif. Puis tout ce qu'on entend, c'est que c'est pas juste, sanctionne pas assez, est-ce qu'il sanctionne le geste, est-ce qu'il sanctionne ce qui est arrivé au joueur. Puis là, il y a toujours un débat. Puis ça, c'est rien qu'au hockey, mais dans la société, c'est complètement plus énorme. Mais à la base, la justice, c'est ce sentiment que l'être humain veut avoir, de dire que j'ai le droit, j'ai ce droit-là d'être égal à mon prochain. Et ça commence jeune, hein, pour ceux qui ont des enfants. Puis ben, je pense que tout le monde a déjà été enfant ici. Ouais? OK. T'sais, moi, on était 7 dans la famille. Je ne sais pas combien de fois qu'on a dit, c'est pas juste. Pourquoi lui il a ça? Moi, je ne l'ai pas. Moi, j'ai 3 filles. Hein. Combien de fois j'entends, c'est pas juste. Elle a ça. Moi, je ne l'ai pas. Donc, il y a ce sentiment-là de justice qui revient souvent. Puis là, tu te dis, garde, là, t'as ça. Puis là, ta sœur, elle a eu quelque chose de différent. Puis là, ben, c'est normal qu'elle ait un cadeau. C'est sa fête. Ça, c'est pas ta fête, tu vas en avoir un à ta fête. Mais à ta fête, elle dit, ah, à sa fête, elle a eu un autre cadeau que moi. Fait qu'il y a toujours ce sentiment-là de, est-ce que je suis égal? Est-ce que j'ai eu assez? Est-ce que j'ai eu autant? Est-ce que j'ai eu moins? Fait qu'on se compare tout le temps. Et ça revient à ce que tu disais ce matin. À un moment donné, c'est important de sortir du trafic, de sortir de tout ce bouillonnement-là. Puis peut-être le trafic, je ne montrerai pas mon nombril, là, mais le trafic qu'il y a ici, là. Tu sais, à un moment donné, on est tellement centré sur nous qu'on oublie le reste. Tu sais? On oublie ce qui se passe en dehors. Et le chant qu'on a chanté, « Je lève les yeux ce matin, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir », c'est la réponse de Jésus à cette injustice, à l'injustice. C'est la réponse de Jésus à ce nombrilisme-là. À ce qui se passe à l'extérieur, c'est que lui devient le recours. Et ce que Jésus a dit, quand il dit « Pour tous ceux qui ont soif de justice, vous allez être assasiés », je pense que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se compte. Ce n'est pas quelque chose qui se compte en bien matériel, en vengeance. Je ne pense pas que Jésus va se venger. Même si c'est écrit dans Romains, à moi la vengeance et la rétribution, il y a peut-être un petit peu un sentiment de justice, là. Tu sais, tu dis, ben, OK, il va manger à claque quelque part. Mais Jésus devient celui qui devient la ressource à ce besoin de justice qui est comblé autrement que par quelque chose qui peut se compter dans notre esprit. On chantait la paix ce matin. Mais Jésus, il vient donner ça. On se tourne à Jésus pour recevoir des réponses. Mais peut-être pas les réponses à quoi on s'attend. À notre question de pourquoi ceci, pourquoi cela, quelle serait la réponse de Jésus? Jésus va nous répondre par une question. Est-ce que tu me fais confiance? Puis je pense que c'est là que ça se situe. Toi, on peut crier à Dieu, ah, pourquoi? Puis pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ça m'arrive à moi et que ça n'arrive pas à l'autre? Puis Jésus nous demande, est-ce que tu me fais confiance? Fais-moi confiance, puis tu vas voir que tu vas pouvoir faire un bout de chemin. Et si on répond oui à cette question de faire confiance à Jésus, c'est là que les choses changent. En tout cas, c'est là que ça a changé pour moi. Parce que c'est sûr que la justice ultime, c'est que un jour, on va se retrouver devant Dieu. Puis puis n'importe quoi qu'on aura fait dans notre vie, ça aura tout tombé. Comme dirait Claude, on va être tout nu devant Dieu. À poil. Tout le reste, ça n'aura plus de sens. Puis la seule justice qui va rester ce jour-là, c'est que est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on connaît Jésus? Est-ce que Dieu va nous reconnaître? Puis tout ce qu'on a fait dans notre vie, quelque part, ça va être mis de côté. Ça va être, est-ce qu'on connaît Jésus? Puis Dieu va nous accueillir dans son royaume. Ça, c'est là où on se retrouve un peu tout égal. Puis que, où, je ne peux pas le calculer, mais où il y a une certaine justice qui va être faite. Bien, une justice ultime. De toute façon, moi, j'ai donné ma vie à Jésus en 83, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'autre choix. Puis quand tu te retrouves au bout du tunnel, au bout de n'importe quoi, au bout de quelque chose dans ta vie, Jésus devient la réponse où il n'y a plus d'autre choix, que tu essaies plein de choses, puis il ne te reste plus grand-chose. Et puis c'est lui qui a répondu à mes questions, de qui suis-je, de pourquoi ceci, pourquoi cela. Parce que c'est drôle, parce que le fait que j'ai rencontré quelqu'un du groupe biblique allé au Cégep, c'est parce que j'étais dans une émeute au Cégep Saint-Laurent, puis je me suis sauvé de la police. Je me suis réfugié dans un dépanneur, puis là j'ai rencontré une personne qui allait au groupe biblique, puis ça a été le lien. Parce qu'au Cégep Saint-Laurent, quand tu vas au Cégep Saint-Laurent, il faut que tu trouves une cause, une justice à faire. Puis je me rappelle même pas la cause. Mais c'était cool. Il y avait... En tout cas, j'ai arrêté là. De faire confiance en Jésus, de faire confiance en lui, de lui dire oui, ça a remis les choses en perspective. Et quelque chose que j'ai découvert, c'est que le Jésus qu'on accepte, le Jésus qu'on veut suivre, c'est le Jésus que dans notre enfance, ou c'est le Jésus qu'on s'est fait une image. Quand j'étais petit, je vais vous donner un exemple de ça. Quand j'étais petit, moi, je trippais ces films de Jésus. Puis les choses qui me touchaient le plus dans les films de Jésus, c'est lorsque Jésus prend la femme adultère devant les pharisiens et qu'elle, avec ses cheveux, elle lui lave les pieds avec le parfum, puis qu'elle reconnaît qui il est, puis il dit « ta foi t'a sauvé ». Puis là, il prend son visage, puis il dit « ta foi t'a sauvé ». Et elle, tout son fardeau tombe. Et les pharisiens sont là, ben pourquoi? Pourquoi tu la laisses rentrer? Qui tu penses que t'es? Tu pardonnes? Puis tout ça. Eux autres, ils calculent. Les pharisiens calculent. Jésus ne calcule pas. Jésus regarde son cœur, puis il dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussi avec la femme adultère, il n'a pas calculé. Il sait qu'est-ce qui est arrivé. Eux autres sont tout en train de calculer, puis Jésus la relève. Puis il dit, si vous avez un péché, celui qui a un péché, lancez la première pierre. Ah oui, il n'y a personne qui l'a lancé. Donc, il a laissé repartir la femme, il dit, va, il ne pêche plus. Jésus a été cet instrument-là de justice. Il les a toutes mis sur un pied d'égalité, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. On est tous des pécheurs, il les a toutes mis sur un pied d'égalité. Elles comme eux autres. Il n'est pas en train de dire qu'il est meilleur qu'eux autres. Mais il les a toutes mis sur un pied d'égalité, puis il dit, garde, peux-tu me permettre de dire qu'on est tous dans la merde ici? OK? C'est assez clair? Bon, à partir de là, à partir qu'on sait ça, qu'est-ce qui nous reste? Bien, il nous reste cette personne-là qui se tient debout pour l'humanité, pour le salut, pour l'amour, puis pour que tout le monde puisse vivre égal. Comment est-ce qu'on peut vivre égal? Bien, c'est en mettant nos yeux sur lui. Puis à partir qu'on met nos yeux sur lui, ce qu'on a sur nous autres ou ce qu'on n'est pas content, ou ce qu'on veut revendiquer, que ce soit nos droits, que ce soit n'importe quoi, ça devient égal parce qu'on a nos yeux tournés vers lui. Parce que ça veut dire que le reste tombe à l'eau? Non. Fait que ça, c'est les deux images qui m'ont transporté là, dans ma foi et que j'ai voulu transporter dans ma vie. Puis, c'est important pour moi là, de comprendre ça parce que ça, ça a façonné qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, ma manière de répondre à cette injustice-là, à l'injustice sociale, c'est de dire comment, qu'est-ce que je peux faire pour qu'une personne puisse goûter un peu, si tant soit peu, au Christ. Que ce soit par un sourire, que ce soit par une écoute, que ce soit par une bonne parole, que ce soit par un verre d'eau, que ce soit par n'importe quoi que je peux faire, que je puisse servir, comment je peux répondre à cet amour-là que j'ai eu, puis le donner. Et c'est là que j'ai trouvé ma réponse. Avec Direction chrétienne, j'ai pu connaître ce qui se passe au Centre Saint-James. C'est là que j'ai pu voir... c'est là que je veux être. Pas compliqué. Je fais de l'art, je fais des toiles, je fais du dessin, je fais de la musique. Et il y a un atelier d'art, et cet atelier d'art devient une plateforme pour moi pour que je puisse utiliser mes talents pour servir Dieu. Et c'est là que je me suis retrouvé. C'est là que j'ai pu voir et expérimenter ce que Dieu m'avait donné, mais de le donner aux autres. Ça, c'est parce que j'avais cette image-là de Christ. Peut-être que toi, tu n'as pas cette image-là de Christ. Tu as une autre image. Mais l'image que Dieu t'a donnée de lui-même, sers-toi-en pour aider les autres, pour parler, pour chanter, pour recevoir. Et c'est de même que la justice ici-bas peut s'accomplir. Je vais vous raconter une histoire. Ce matin, je suis arrivé et j'ai vu Pierre. Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Puis là, je le regarde, puis il a changé un petit peu en 20 ans. Il n'y avait pas de moustache dans le temps. là, j'arrive, puis c'était pas ouvert, puis là, je regarde ces deux délinquants-là qui étaient à part. Là, j'arrive, salut, puis là, on serre les mains, puis tout ça. Là, je regarde, j'ai vu tes yeux, puis là, je le connais, ce gars-là. Puis là, là, on s'est reconnus, puis tout ça. Il m'avait vendu un ampli de bass. Tu le regrettes-tu de l'avoir vendu? OK. Moi, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Puis, c'est pas juste, hein? Non. Là, on s'est reconnus, puis vraiment, on est content de se voir, puis on jasait tout ça. Mais j'ai vécu une expérience, c'est à peu près il y a 2 ans, avec quelqu'un d'autre. Il y a 20 ans, je travaillais dans les enseignes. Je travaillais avec Michel. Travaillait ensemble, puis on riait ensemble, on avait du plaisir. Oh, ça apparaît du temps que ça. Là, je me promène au Centre Eaton, puis là, je regarde. Puis là, je vois ce gars-là. Michel. Là, il me regarde. C'est Bernard. Je l'ai reconnu. Michel, je travaillais avec, puis aujourd'hui, Michel était dans la rue. Là, on a commencé à parler. Puis, il a vécu beaucoup d'anxiété à cause du travail. Cette anxiété-là a mené à l'alcoolisme, perte d'emploi, plus d'anxiété, plus d'alcoolisme, là, le tourbillon. Michel s'est retrouvé dans la rue. Et je l'ai invité de venir à St. James. Michel est revenu. J'avais un peu d'appréhension parce que je l'invite, puis on était amis avec quelqu'un. Là, lui est dans la rue, toi ça va bien, tu es un but à Laval, tu as 4 enfants, tout va bien. Dans les apparences, ça va bien, là. En tout cas. Puis là, non, ça va bien, Nathan. Quand tu compares Michel, on va bien. Ouais, c'est ça. Mais ça va bien quand même. Puis là, moi, je voulais pas être l'intervenant, tu sais, c'est mon chum. Puis là, je voulais le recevoir, mais pas avoir cette parole-là d'intervenant, puis bénéficiaire, puis t'es dans la rue. Puis ça a été un exercice intéressant. Là, je l'ai invité à Saint-James, ça a pris à peu près un mois avant qu'il vienne. Il est venu à Saint-James, puis je l'ai accueilli, puis je veux que tu t'entres chez toi, puis regarde, tu peux faire des toiles. Puis Michel faisait des toiles dans le temps, puis tout ça. Fait que, il dit, je vais juste venir quand tu es là, puis il a commencé à venir, c'était difficile, puis tranquillement, on a apprivoisé la situation. Michel a recommencé à faire des toiles. Ça a mis un peu d'équilibre dans sa vie. Fait que là, il était moins tout seul. Il travaillait, il faisait des toiles. Ça lui fait du bien. Il peut parler, il parle de sa situation. Tranquillement, ben, il ne consomme pas pendant tout ce temps-là. Là, oh, il y a peut-être un peu plus de sous quand il reçoit son chèque. Peut-être que ce serait peut-être le temps d'envisager de trouver une chambre. Il s'est trouvé une chambre. Là, il y a un peu plus de stabilité. Il dort mieux. Mange mieux. Ah, plus d'énergie pour travailler un peu plus. Fait des toiles. Depuis un an, Michel a vendu 23 toiles. Fait que ses yeux ont changé. J'ai revu le Michel que j'ai connu avant. C'est sûr qu'il y a encore ces problèmes d'alcool qui sont omniprésents. Il va d'un A. Puis les semaines comme cette semaine, mais quand tu reçois ton chèque, là, c'est le combat incroyable. Tu as plus d'argent, puis l'alcool est juste là, c'est disponible. Mais Michel habite quelque part, il est au chaud, il mange, il travaille à Saint-James, il fait ses toiles. Puis là, il y a un équilibre. Il y a comme quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Notre relation, on a recommencé à rire ensemble. Puis quand il arrive à l'atelier, on fait des jokes. Puis la dignité est revenue chez Michel. Une des choses que je partageais dans un groupe de GBU anglophone cet été, selon moi, une des plus grandes injustices dans le monde, c'est qu'il y a des gens qui sont seuls. Ça n'a pas d'allure qu'il y a des gens qui se retrouvent tout seuls. Si moi, je peux contribuer juste à ce qu'une fois, quelque part, quelqu'un n'est pas tout seul, mais je viens de combattre une injustice. Et de faire ça, d'avoir cette opportunité, ça, il commence à être tard. D'avoir cette opportunité de faire vivre à quelqu'un l'idée que il n'est plus tout seul, il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Bien, déjà, ça, c'est énorme. Nous autres, on prend ça des fois pour acquis, mais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, c'est énorme que quelqu'un prenne du temps. Puis je vous écoutais tantôt ce que vous faites pour Noël, pour des gens seuls. C'est énorme. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Puis moi, je veux contribuer à, dans mes gestes quotidiens, de combattre cette injustice-là. C'est sûr qu'il y a des injustices fondamentales, là, on parlait tantôt des gouvernements, les frais de scolarité, l'abus, les enfants, tout ça, puis combattons ça aussi. Mais n'oublions pas les injustices juste à côté, ou peut-être à l'intérieur de la salle ici, qu'il y a des gens qui sont seuls, puis qui auraient besoin d'être reçus à souper, ou juste d'être écoutés, à tout le moins ici. C'est combien de fois qu'on... On est dans nos églises, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, puis sont isolées. Là, ils attendent que quelqu'un vienne leur parler. Puis là, bien, ils ressortent. Ils n'ont pas eu ce contact-là. Ils attendaient juste que quelqu'un vienne les voir pour leur dire bonjour, les écouter, juste être là. Puis ça, c'est fréquent. Puis pour être honnête, les sans-abri avec qui on fait affaire, c'est des gens qui, c'est pas toujours agréable au premier contact. Puis moi, vous le dire, ça sent pas toujours bon. C'est pas toujours des personnes qui ont une bonne haleine. Ils sont pas toutes beaux. Mais quand tu dépasses toutes ces couches-là, si on veut dire, ben c'est là que tu rencontres des trésors. C'est là que tu vois un peu plus long, un peu plus loin. C'est là que ça me ramène au film de Jésus de Nazareth. quand il prend la personne et il dit « ta foi t'a sauvé », c'est que Jésus va au-delà de toutes les couches sociales, de tous les préjugés, de toutes les choses, les calculs humains, si je peux parler comme ça, qu'on fait. Lui, il va, il passe à travers tout ça, puis il regarde ici. Puis il dit « moi, je vais aller te chercher au cœur même de ta personnalité. » Puis je vais te prendre avec moi. Quand tu fais ça, ben là, tu combats une injustice. Tu sais, tu mets tout le monde sur le même pied d'égalité. Le message de Jésus dans Matthieu, ben moi, c'est ça. Il va plus loin que qu'est-ce qui se passe au niveau social. Ce qui n'enlève pas qu'il y a des injustices sociales et qu'on peut les... On peut et on est appelé à les combattre. Mais si, on peut, si Jésus peut être un exemple pour nous autres d'aller vraiment au cœur des choses, bien pour moi, bien là, on combat une des plus grandes injustices qu'il y a sur la terre, qui est la superficialité de nos institutions, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Mais d'aller au cœur des gens. Puis c'est la job de l'Église. À Saint James, au centre de jour, bien c'est leur Église à eux autres. Puis, pour être honnête, je ne demanderais pas à la plupart de ces gens-là d'aller dans une église traditionnelle. Parce que c'est des cas lourds. C'est heavy. Hein? Puis s'il y en a un qui arrive... pardon. S'il y en a un qui arrive ici, il ne sait pas toujours quoi faire. Donc, l'atelier d'art, c'est leur église à eux autres. T'sais, on sort des concepts, ça devient leur église. Je suis un peu comme leur pasteur, si on veut, la personne, la ressource qui est là. C'est là. Où est votre église? Il y a ici, il y a les, je ne sais pas si vous avez des petits groupes, les gens que vous rencontrez régulièrement, c'est tous des gens qui font partie de votre réseau social, qui sont l'église, qui sont les gens que Dieu a mis sur votre route et que vous pouvez intervenir dans l'image que Jésus vous a donnée. Il y en a qui vont voir Jésus comme le conquérant. C'est correct. T'sais? Mais si tout le monde voit Jésus comme un conquérant, ben, il ne restera plus grand-chose à conquérir tantôt. Mais dans qui vous êtes, Jésus vous a donné quelque chose dans votre cœur, mais mettez vos yeux sur lui puis reproduisez ce que vous avez vu de l'image de Jésus. Et à travers ça, il y a une injustice qui va s'effacer, je l'espère. Et en conclusion, ben, c'est Jésus lui-même par le Saint-Esprit, par la relation qu'il a avec les gens, qui va faire amener ces gens-là à une paix que nous autres, on ne peut pas comprendre, mais que seul Dieu donne. Quand on chantait tantôt « Tu es mon seul secours », si on dit « seul secours », c'est parce que lui seul peut donner le secours qui est vraiment la paix qu'on peut recevoir ici. Mais ça n'enlève pas que nous autres, on ait ces instruments-là qui peuvent contribuer à cette paix-là, cette justice ultime, qui est la paix dans le cœur. Cette justice ultime-là, elle va au-delà de ce qui se passe à l'extérieur. On peut juste penser aux martyrs, à ceux qui sont emprisonnés dans d'autres pays, ou même au Canada, ceux qui vivent des injustices, mais qu'à travers tout ça, il y a quelque chose qui reste inébranlable dedans. C'est que le regard est mis sur le Christ. Et c'est mon espoir. C'est mon espoir pour moi, pour vous autres, pour tous ceux à qui je côtoie, c'est que cette injustice-là, ici-bas, puisse être toute canalisée pour mettre nos regards sur lui, puis qu'il y ait quelque chose qui se règle définitivement. Mais malheureusement, sur Terre, il y aura toujours de l'injustice. Fait que la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura de l'injustice tout le temps. Fait qu'on va régler ça tout de suite. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une réponse à cette injustice. C'est que Jésus est là et il vient nous donner. Je vais prendre de l'eau là pour finir. Jésus vient donner une réponse à tout ce qui se passe. Puis il dit, regarde, tourne tes regards vers moi. Et si tu penses que tu souffres, bien, s'il y en a un qui peut te comprendre, c'est moi. Mettons Jésus, là, c'est pas moi, là. Jésus nous dit, si tu penses que tu souffres, oui, tu souffres. S'il y en a un qui peut bien te comprendre, c'est moi. Quand tu fais planter des clous dans les mains devant tout le monde, parce que tu as fait le bien, parce que tu as nourri des gens, parce que tu as guéri des malades, parce que tu as enseigné le royaume de Dieu, parce que tu as dit vraiment qui tu étais, tu te fais tuer. On parle-tu d'injustice, là? Fais-tu qu'on s'assoit deux minutes? OK? Bon, bien, il y en a un qui peut te comprendre. Bon, bien, là, tu viens d'avoir un allié. Tu n'es plus tout seul. Puis cet allié-là, Jésus, qu'on appelle Jésus, bien, il veut t'amener avec lui dans cette réponse-là. Parce que lui seul a la réponse. Le verset ce matin, « Heureux sont ceux qui ont soif de justice parce qu'ils vont être assasiés. » Bien, la réponse est en celui qui le dit. Puis comment on peut répondre ça? Bien, va. Dans ta vie, là, si tu peux répondre à des injustices, let's go. Moi, j'ai choisi de répondre avec les sans-abri. D'autres, ça va être autrement. Bien, let's go. On peut faire un changement dans la société si on se met ensemble ici, nous autres. On est juste à aller. Tu avais une question? Ben, je me lève. Je prends ma... Ouais, okay, j'aurais arrêté de niaiser, il ne reste pas grand temps. J'arrive à Saint-James. Ben, je lis la presse avant. Je prends un café. J'arrive à Saint-James. Puis là, on ouvre l'atelier. Puis là, on accueille ceux qui veulent bien venir. Et tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. C'est d'être là. Puis Michel arrive, Dagui va arriver. Dagui, c'est plus le style qui parle tout le temps. Il y en a qui sont plus tranquilles. Et moi, tout simplement, c'est d'être disponible. Je vais faire des toiles avec eux autres. Je vais m'asseoir avec eux autres. Ils vont travailler. Des fois, ils ont juste le goût de jaser. Je peux juste m'asseoir, puis on va parler. Juste d'être disponible. Ils peuvent avoir des besoins de changer de vêtements, d'aller prendre une douche. Fait que là, on leur permet d'aller prendre une douche, de changer leurs vêtements. Ils vont manger. À travers la relation qu'on a, parce que c'est beaucoup relationnel, on peut comprendre leurs besoins. Donc, Michel, à certains points, avait besoin d'être administré. Il a ce désir-là d'être administré. Et à chaque début de mois, comme sûrement demain, quand je vais le rencontrer, il va me dire que cette semaine qui vient de passer, il a probablement dépensé tout l'argent qui restait en boisson, en femme et en n'importe quoi d'autre. Puis que là, il n'y a plus d'argent jusqu'au 30 novembre. Fait que là, mais au moins, il y a une place pour coucher. Puis il y a une place pour manger à Saint-James. Fait que moi, mon travail, c'est de l'accompagner dans ça. Puis à travers ça, de lui donner le pardon, la dignité. Parce que là, il sent coupable. Demain, là, il va avoir la tête entre les deux jambes. Puis... Fait que moi, c'est de tranquillement lui faire comprendre sa situation. Puis comment que lui et moi, on peut travailler dans le quotidien pour ramener quelque chose de normal. Fait que demain matin, je risque de parler, de l'écouter, de parler, d'être avec lui dans la matinée, d'être avec les autres, de faire des toiles, de rire avec eux autres. Juste de rire, d'avoir de l'humour un peu dans leur quotidien, c'est énorme. Fait que je fais des jokes, je suis avec eux autres. Puis dans la journée, à peu près une dizaine d'artistes qui vont passer, mais je travaille avec eux autres. Et comme je disais tantôt, l'atelier, c'est la plateforme où il y a toutes ces relations-là. C'est l'église, c'est là que ça se passe. Fait qu'à travers le dessin, à travers la musique, des fois on sort les guitares, bien, on a quelque chose qui se passe avec ces gens-là. Et c'est des processus qui sont par jour, mois, année. Ça fait 10 ans que j'étais à Saint-James. Il y en a qui ont commencé à me parler après 4 ans. Fait que... Puis là, la confiance est là. Mais ils ne font pas confiance à tout le monde tout de suite. Fait que c'est important. Fait que... Puis la journée a fini à 5 heures. À 5 heures, ils s'en vont tous dans leur réalité respective. Il y en a qui sont encore dans la rue. Il y en a qui vont retourner dans leur appartement, leur chambre. Et c'est ça. De la manière que je peux décrire ça, ma journée type, c'est un peu l'atelier, c'est l'oasis pour eux autres. C'est un peu l'endroit où ils vont pouvoir vivre, ils vont pouvoir être recevoir cette dignité-là, cet encouragement-là, cet accueil-là qu'ils n'ont pas nulle part ailleurs. Donc, moi, ma journée type, c'est d'offrir ça à ces gens-là dans l'atelier. Et d'autres vont l'offrir ailleurs à Saint-James, parce qu'il y a de la nourriture, il y en a qui peuvent dormir et tout. Mais c'est d'offrir cet accueil-là, cette compassion-là, qu'ils n'ont pas ailleurs dans la société. Donc là, je n'exclus pas les autres centres. Là. Ils l'ont ailleurs, là, mais je veux dire, je parle globalement. Puis en fait, il n'y a pas de journée type. Je peux des journées bien tranquilles, puis il y a des journées comme... il y a à peu près un an, je me suis retrouvé entre un gars qui voulait tuer un autre, puis là, j'ai tassé l'autre qui était en train de se faire tuer. Il saignait, je l'ai mis dans le bureau, j'ai dit « ferme la porte ». Puis là, essaye de contrôler l'autre, qui avait un couteau dans les mains. Ben non, il n'y a pas le couteau dans les mains, il s'en allait l'avoir dans les mains, on a eu le temps de le tasser. Puis là, le contrôler, puis là, la police arrive, puis moi, je suis là. Lui, il est là, puis il veut péter la gueule à tout le monde. Il y a de l'écume sur le bord de la bouche. Moi, je suis là, puis le policier est là, puis il a son gun, puis il dit « down ». Puis là, lui, il dit « you can shoot me, I'm a Christian ». Là, moi, je suis là, puis là, je fais « oh non, ça se peut pas ». Fait que, tu sais, des journées typiques à Saint-James. Là, je suis arrivé chez nous, Nat, il y avait du vin sur la table. Mais, puis, un autre exemple, on fait une exposition des œuvres des artistes de Saint-James au mois d'octobre, et pour un de ceux-là, c'était la première fois qu'un de ses dessins était exposé. Puis, juste son visage, ça valait toute l'or du monde. Il était tellement heureux de pouvoir rencontrer des gens puis d'expliquer son dessin. Ça n'avait pas de prix. Fait que ces moments-là, là, pour nous autres, là, c'est comme on chérit ça. Quand il vend une toile, Michel, il vend une toile. Il est heureux. Il est heureux, il est content. Il va me vendre des toiles. Ben, il veut me vendre des toiles. Il dit cette toile-là, là, il dit, tu l'aimes-tu? Je dis, ouais, elle est belle. Bon, mais ben, il dit 10 piastres. Pourquoi 10 piastres? Ben, il dit, je veux des cigarettes. Ben, je dois te passer 10 piastres, là. Je vais t'acheter des cigarettes. Vends pas ta toile 10 piastres. Mais ça, j'ai pas le droit tout le temps de faire ça, là, de passer de l'argent. Ben, Michel, c'est comme, ouais, je sais. Et là, non. Ben, Michel, c'est pas pareil. Je peux pas. Il y a un code d'éthique en tant qu'intervenant là, que tu ne fais pas ça, puis ça, c'est clair. Mais Michel, c'est comme mon chum, là, OK. Dans un organisme communautaire comme Saint-James, il y a la ligne, puis on est très conscient, puis jamais on passe d'argent, mais du fond, on se permet ce petit espace gris qui est là, puis... Non. Bon, on va prier. C'est pas facile. Nathalie, elle devrait pas venir quand même. Mais c'est correct. Non, t'as raison. C'est pas juste. Fait qu'ils vont tous être fumeurs. Non, mais j'ai répondu à un besoin là. Puis à d'autres moments donnés, c'est d'autres choses qui arrivent, c'est d'autres besoins qui sont comblés, puis ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Il n'y a pas de journée type. C'est vraiment, tu arrives dans un univers. J'expliquais ça dernièrement. Tu sais, on va dire le fond du baril, non? tu sais, l'expression le fond du baril. Bon, mettons, c'est un gros baril, là. Puis il y a une porte, là, qui te mène au fond. Bien, moi, quand je rentre à Saint-James, je rentre dans le fond du baril. Puis là, ben on voit qu'est-ce qui se passe. Il y en a un qui a fait ça aussi. Il a vu l'humanité, puis il dit, bon, ben je vais aller voir, je vais aller faire quelque chose. Puis c'est mon modèle, cette personne-là, c'est Jésus. Il est allé voir le fond du baril. C'est pas un Dieu qui s'est mis en haut, puis dit, bon, ben si vous voulez être sauvé, c'est ça, là. Puis, non, il est allé vivre dans notre crasse, dans notre souffrance. Puis dans ce geste-là, il vient justifier toutes les raisons pourquoi Dieu nous comprend. Justifier, justice et tout, c'est la réponse de Dieu à l'humanité, c'est la croix de Christ, c'est ce qu'il a fait sur la terre. Ça, c'est la réponse. La meilleure réponse qu'il pouvait donner à l'humanité, c'est le geste qu'il est venu faire. La pire des souffrances que tu peux imaginer dans ce temps-là, c'est d'être crucifié. En plus, quand tu n'es pas criminel, fait que c'est la manière que Dieu a choisi pour dire, garde, je vous comprends. Fait que tout le monde sur la terre, dans nos pires crottes, dans nos pires niaiseries, dans nos pires souffrances, on peut s'identifier au Dieu de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, parce que lui nous comprend. Ça, c'est la justice ultime. On peut toujours se comparer. Mais la réponse de Christ. Puis moi, si je peux leur faire goûter à ça un peu, ben c'est énorme. Fait que je ne veux pas prendre plus de votre temps ce matin. C'est un plaisir d'être avec vous autres. C'est un partage du cœur. Je ne sais pas comment.